L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Création rapide d'activités. Les industries et l'agriculture apportent énormément d'emplois. Seulement, les commerces ne sont en 2021 pas suffisants dans les campagnes pour faire venir les agriculteurs dans la campagne éloignée des villes. Alors, protéger et aider l'installation d'industries va faire venir les industries en campagne en aidant les commerces au tout début. Ensuite, plus besoin d'aider les services. On innove dans les produits pour rendre public les industries n'ayant pas respecté les contrats. Alors, les commerces suivront dans les campagnes si les industries s'installent dans la campagne grâce au fret public. En même temps, on recrée des voies de train dans les campagnes. Les services ont été financés par ce qu'on voyait sur le court terme. Ils doivent être régulés avec des grandes plateformes publiques pour protéger les entreprises de salariés uniques. Les plateformes publiques doivent faire venir les personnes censurées en étant attractives en plus. Les plateformes publiques permettent de contrôler les informations, notamment avec un serveur public de vidéos suraidé pour s'imposer. Mes notes, créer un plan politique pour les élections. C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à SRM.